Le Comité national d'études des statuts juteux du Congo démocratique a publié le 2 décembre le bulletin à l'occasion du 5e anniversaire des dirigeants Kim Jong-il avec son portrait en sourire. Par ailleurs, Ali Karzouli, écrivain et journaliste algérien, a publié un article sur les exploits mortels des dirigeants Kim Jong-il.